Dieu. Nouvelle Rolls-Royce sur du 22. Alléluia. Saza, Laza, Malekouma, tout mes royaux. J'écris des français au chipzer, j'suis aimé, Zula. Tu veux tuer aucune bizarre, qu'est-ce que tu fous là? Tes adversaires sur une civière, tu la mollet, Zula. La frisère, la misère, je connais tous les rouages. Tu veux affronter mon gang, ça se bien du courage. Numéro 7 sur le visage, Uzi vers les nuages. Quel silicone c'est à Mohamed Lucas. Ils ne savent pas quand c'est en leur casse le joint de culasse. Pour mes boubacars, mes galsen, les ramas, tout l'ail. Tête de mort sur le tracard, on les pèse sur la tête de Wam Walai. J'ai dans le clair, de le bout sur la banquette. Je recherche les plus gros roulards, j'enquête. Sans une paire, tu m'as trompé. Des filets mauvais, une queue sur la langue. Et j'suis tellement loin, j'suis tellement loin, j'suis tellement loin, que personne n'en est témoin. J'suis tellement loin, j'suis tellement loin, que personne n'en est témoin. À la fin de saison, j'ai ta sort qui monte. On voit des tout fumes de shit, qui savent de mon truc. Trempe de magnum, des packs de mon truc. Laissez le pont levé, laissez entrer le truc. Tout ça lui moche dans le viseur, et non, qui a maman. Maman n'a plus parlé, mais elle est pleine de diamants. C'est évidemment, plein de marrons dans la tête, quand on parle.